22 de Marie-Aude Muraille. Une réalisation de Michel Sidorov. Avec Sylvain Clément, Jean-Marie Gallet, l'Ouzbékistan, Daniel Isopo, Martin Amic, Amandine Dewam. En l'an 1719, le grand-duc Nikolaï, qui était veuf et sans enfant, épousa la ravissante vicomtesse Anna von Truc. Le grand-duc voulut avoir très vite un fils. Il l'eut au nouvel an et il l'appela Ivan, en souvenir d'Ivan le Terrible. Mais Ivan n'avait rien de terrible. Pour dire la vérité, c'était un bébé tout petit riquiqui et on craignit même pour sa vie. Un jeune étudiant, prénommé Vladimir, qui rêvait d'être écrivain, fit pour l'occasion quelques mauvais vers sur un coin de table. Il avait trop bu, et c'est sa seule excuse. Le poème qui devint chanson disait ceci. « Ivan vint en l'an 20, mais un coup de vent soudain l'emporta dans les airs. Ah, gare au vent d'hiver, Évelan, Évelan, Évelan, pauvre Ivan, pauvre Ivan. » Les gens sont moqueurs, et la chanson eut beaucoup de succès. On la chanta aux fêtes et aux anniversaires, on dansa dessus dans les bals populaires. C'était un plaisir de voir les couples caracoler deux par deux sur un air de polka, tandis que l'assistance tapait dans les mains en rythme, Évelan, Évelan, Évelan. Le grand-duc Nikolaï, qui avait beaucoup de qualités pour un tyran, avait aussi un grave défaut. Il manquait complètement d'humour. La chanson ne le fit pas rire. Mais pas du tout. Il convoqua son conseil des ministres. « Je ne peux pas faire couper la tête à tous ceux qui chantent cette chanson. Mon bourreau serait débordé. »« En effet. » »« J'ai donc trouvé une meilleure idée. J'ai décidé d'interdire la lettre V. »« Pardon, Votre Majesté ?»« Quiconque prononcera un mot contenant la lettre V paiera 50 sous d'amende et 1 franc si le mot contient 2 V. Les gens y réfléchiront à deux fois avant de chanter cette chanson imbécile, car il leur en coûtera 13 V multiplié par 50 sous, soit 6 francs et 50 sous, rien que pour le premier couplet. Mais, Votre Majesté... 50 sous, dit le grand-duc en tendant la main. Mais... Ta Majesté, il sera très difficile d'interdire à tous tes sujets de prononcer la lettre en question. Et nous ne pourrons pas la supprimer de tous les lits. Bouquin. Il le faudra pourtant, car telle est ma... Il allait dire volonté, et fut bien content quand le grand chambellan lui souffla « mon bon plaisir ». L'annonce, se répandit dans tout le pays. Apprenant l'interdiction, les gens commencèrent par s'indigner. Quoi ? On ne pourrait plus dire timidement à sa fiancée « Je vous adore », mais tout de suite brutalement « Je t'aime ». On ne pourrait plus crier « Victoire », mais seulement « Hip hip hip hurrah ». C'était tout le sens de la vie, de l'existence, qui en serait changé. Mais les gens eurent beau protester, ils durent appliquer la loi ou payer l'amende. Des agents spéciaux du ministère de la répression du V parcoururent le pays, déguisés en paysans, en bourgeois, en écoliers. Quand on les reconnaissait, on criait « 22 », le V étant la 22e lettre de l'alphabet. Mais généralement, on ne les reconnaissait pas. Et dès qu'ils entendaient quelqu'un prononcer la lettre interdite, « Vlan non, crac !» ils lui réclamaient 50 sous. Peu à peu, le V disparut des convers, des bavards. Oh, zut! On ne parla plus que lentement et en se méfiant de tout le monde. Le grand-duc ne tarda pas à regretter son caprice. Mais il était trop tard. Un tyran ne peut pas dire à son peuple qu'il s'est trompé, il y perdrait son autorité. Toute la journée, le grand-duc cherchait ses mots, laissait ses phrases à mi-chemin, n'exprimait ses pensées qu'à moitié. Aussi, chaque soir, il s'enfermait dans son cabinet secret, enfouissait sa tête sous un oreiller et chuchotait sans reprendre souffle. « Vite, vole, va, je l'avoue, vivre ma vie, et vroom, vroom. Ah, ça fait du bien. Le jeune Vladimir, responsable de la disparition du V, était bien ennuyé. D'abord, il ne s'appelait plus que Vladimir, ce qui est ridicule. Puis, il ne pourrait plus être écrivain, le métier ayant disparu du dictionnaire. Il se contentait d'être homme de lettres. Et encore, il lui en manquait une. La première fois qu'il trempa sa plume dans l'encrier après la fameuse interdiction, il s'aperçut que les mots en V l'obsédaient et faisaient la ronde dans sa tête. À la fin, n'y tenant plus, il griffonna sur un bout de papier. « Je veux trouver la vérité, pouvoir vous voyer ma bien-aimée et crier victoire si j'en ai envie. Hélas, une seule lettre vous manque et tout est perturbé. » Il plia en quatre cette dangereuse déclaration et l'avala. Écrire pour ne rien dire ne l'intéressait pas. Il apprit alors qu'on cherchait des correcteurs de la chose écrite. Ces correcteurs étaient des gens très instruits, qu'on enfermait toute la journée dans la bibliothèque du Grand-Duché et qui supprimaient tous les V des romans, des contes et des pièces de théâtre. Le soir, on les fouillait pour être sûr qu'ils n'emportaient pas chez eux une page interdite. C'était un métier pénible, mais bien payé, puisqu'on gagnait 10 sous par V supprimé. Vladimir se fit engager et on lui confia tout de suite la correction d'un conte de Charles Perrault qui commençait ainsi. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort d'humeur et de visage que qui la voyait, voyait la mère. Ah, quel bonheur tous ces V imprimés! Vladimir en eut un tremblement de tout le corps. Il aurait embrassé le papier. 22. Les redoutables agents spéciaux rôdaient dans son dos. Il se mit donc à réécrire le conte comme ceci. Il était une fois une femme dont le mari était mort en lui laissant 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort d'humeur et de figure que qui la regardait croyait regarder la mère. Pour se consoler de ce qu'il faisait, Vladimir se dit « Bon, 50 sous de gagné. » Mais à partir de ce moment, Vladimir eut des nuits agitées, car un songe le tourmentait. Je sais que ce mot de songe fait prétentieux, mais les rêves n'existaient plus. Donc, dans ce songe, Vladimir était sur un banc de classe, en face d'un maître d'école qui tapait de sa règle sur le tableau noir en criant. « Va, de, dit, vaut, vu, répétez !»« Non, non, je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Je suis correcteur de la chose écrite. »« C'est moi qui vais te corriger. Va, de, dit, vaut, vu !» Au bout de quelques semaines de ce régime, corrigeant le jour et corrigé la nuit, Vladimir perdit le sommeil et l'appétit. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Il prit alors la décision de quitter la capitale du Grand-Duché et de s'installer dans un petit bout de campagne ou un fin fond de forêt, bref, un endroit où les agents spéciaux n'auraient pas l'idée d'aller. Dans une vallée venteuse, Vladimir loua une vieille villa avec véranda. Il posa sa valise et s'écria. « Maintenant, je vais être écrivain. » La première chose qu'il fit, ce fut d'écrire la liste de tous les mots en V dont il se souvenait. Il était temps, car il en avait déjà perdu, et moi aussi. La deuxième chose qu'il fit, ce fut de tomber amoureux, car il y avait près de chez lui un veuf très moche qui avait 2 filles. L'aînée, par chance, ne lui ressemblait pas du tout. Elle s'appelait Malvina, et dans ce coin oublié de tous, Vladimir et Malvina se marièrent, puis élevèrent leur petite fille. Elle portait un prénom à 2 fois 50 sous, Viviane. Et la première phrase qu'elle sut dire en se désignant elle-même, ce fut « Vlavivi ». Vlan, du premier coup, une phrase à 1 franc 50 sous. 8 années passèrent. Le bon air et la liberté avaient fait de Viviane une solide petite fille aux yeux bruns, brillant de curiosité. Quant à Vladimir, il se croyait à tout jamais en sécurité, loin des agents spéciaux et loin du grand-duc Nikolaï. Pendant ce temps, au palais grand-ducal, le petit duc qu'on appelait Ian allait sur ses 9 ans. Il était entouré de domestiques terrorisés à l'idée de prononcer un V, puisque, dans ce cas, les agents spéciaux étaient au regret de leur couper la langue. Le précepteur du petit duc, M. Grug, passait son temps à lui faire apprendre des synonymes pour remplacer les mots défendus. Ainsi, Ian, qui ignorait l'existence du vent, connaissait la brise et la bise, le zéphyr et la tramontane. Il ne parlait jamais de ses cheveux blonds, mais de sa toison d'or. La grande duchesse Anna, qui raffolait de son fils, lui faisait porter des épaulettes et des bottes hautes, ce qui lui donnait l'air d'une jolie petite fille déguisée en soldat. Car c'était un garçon fragile, sur lequel s'étaient abattues toutes les maladies infantiles, à l'exception de la varicelle qui était interdite. Le docteur, qui s'inquiétait pour sa santé, recommanda de faire partir l'enfant à la campagne. Et M. Grug dit à la grande duchesse : « Je connais une plaine aérée où je pourrais louer un ancien cottage comprenant une galerie adossée à la façade. » L'auditeur aura reconnu la vallée venteuse et la vieille villa avec véranda. « Allez, monsieur Grog, emmenez mon fils chéri et prenez garde qu'il n'apprenne aucun mot interdit. » Le petit duc, qui ne s'était jamais séparé de sa maman, partit pour la campagne en traînant les bottes. Les gardes grand-ducaux qui l'avaient devancé s'aperçurent que la villa était déjà occupée. Vladimir voulut se défendre, demander la raison de cette expulsion, mais il aperçut mêlés aux gardes plusieurs agents spéciaux. 22. S'ils entendaient parler la petite Viviane, ce serait la ruine, peut-être la prison. Au moment où la fillette, qui n'était pas peureuse, allait s'écrier « Allez-vous-en, tas de vauriens !» Son père se jeta sur elle, lui plaqua la main sur la bouche et la supplia tout bas. « Tais-toi, surtout tais-toi !» Il remit la petite à sa mère et toutes deux coururent se réfugier chez le grand-père, dont la maison n'était qu'à une portée d'arbalète. Vladimir demanda la permission aux gardes de rassembler quelques affaires. Il vida les tiroirs de son secrétaire, glissa sous sa veste ses manuscrits pleins de mots en V, puis rassembla à la hâte quelques vêtements avant de se sauver. Quand il eut retrouvé sa famille, il mit en garde sa fille. « Ne t'approche plus de notre maison, et si jamais on te parle, fais semblant d'être muette. Quand le petit duc et son précepteur arrivèrent à la villa, plus rien n'était visible du drame qui venait de s'y dérouler. Tout ce que Vladimir n'avait pu emporter, habits, vaisselle ou jouets, avait été entassé par les gardes dans un même placard. Ian choisit de s'installer dans la chambre de Viviane, puis il visita la maison du haut en bas. Cet endroit est étrange. Étrange ? Oui. Il n'y a pas de clé sur les portes, il n'y a pas de mur autour du jardin. Rien n'est fermé ici, tout est... Quel est le contraire de fermé, monsieur Grog ? Monsieur Grog s'arrêta juste à temps. Où ? Une sueur d'angoisse perla à son front. Communicant. C'était la première fois en 9 ans qu'il avait failli être pris en défaut. Était-ce une si bonne idée d'avoir quitté le palais ? À la nuit venue, le petit duc se glissa dans ses draps de soie et se sentit bien malheureux. D'habitude, sa maman lui faisait un bisou, puis s'assurait qu'il n'y avait pas de loups sous le lit. À cette époque, il y avait encore beaucoup de loups, surtout à la campagne, et justement, Ian était à la campagne. Cette réflexion très désagréable lui ôta toute envie de dormir. Il lui fallait absolument jeter un coup d'œil sous le lit. Courageusement, il posa sa bougie allumée sur le plancher, s'accroupit et regarda. Son cœur s'arrêta dans sa poitrine. Là, près du mur, il y avait quelque chose. C'était trop petit pour être un loup, mais bien assez gros pour être un rat. Mais la chose ne bougea pas. Partez de là ! À bien y regarder, cela ressemblait à un tas de chiffons. Ian se glissa sous le lit et l'attrapa. À la lueur de la bougie, il s'aperçut qu'il s'agissait d'une poupée toute molle. Il remonta vite se mettre au chaud dans son lit et serra la poupée contre son cœur. Sans s'en douter, il venait de trouver Ava. C'était le doudou de Viviane. Viviane dormit très mal sans sa poupée chérie. Elle était presque sûre qu'Ava était tombée sous son lit. Peut-être s'y trouvait-elle encore. Le lendemain matin, désobéissant à son père, Viviane alla rôder autour de sa maison. Il était facile de s'en approcher puisqu'il n'y avait ni grille ni mur. Mais quand les gardes l'aperçurent, ils la questionnèrent en la secouant rudement par l'épaule. Qui était-elle? Que faisait-elle ici? Se rappelant le conseil de son papa, Viviane se contenta de pousser des grognements. Monsieur Grog et son élève se promenaient alors dans les allées du jardin. Pourquoi font-ils du mal à un enfant? On s'expliqua, et comprenant que la petite muette habitait non loin de là, le chef des gardes ordonna de la relâcher. Ian joignit les mains en se tournant vers son précepteur. Me serait-il permis de jouer en sa compagnie? Je m'ennuie. Monsieur Grog se fit la réflexion qu'une muette ne risquait pas d'apprendre des mots interdits au petit duc, et il accorda sa permission, à la condition qu'il ne s'éloigne pas. Il y avait dans le jardin un grand saule, dont les branchages, en retombant à terre, faisaient comme une cahute de feuillage. C'était la cabane secrète de Viviane, et elle y fit entrer son nouvel ami. Ils s'assirent sur l'herbe et se regardèrent en riant assez niaisement. Tu es muette? Et tu es sourde aussi. Comment plaire à une fille qui ne comprend rien? Oh, je sais. Il fouilla la poche de sa veste et en sortit la poupée de chiffon. Et Viviane ne put s'empêcher de s'écrier, scandalisée. Oh, vous m'avez volé, Ava! Oh, elle parle! Malheureusement, c'était dans une langue étrangère. Moi, Ian. Et toi, quoi être ton nom? Viviane le regarda, les yeux ronds. Parce qu'elle était de la campagne, ce crâneur la prenait pour une idiote? Je ne vous trouve pas vraiment drôle. Et je m'appelle Viviane. Le petit duc fronça les sourcils. Quel étrange charabia! Il voulut répéter le prénom et articula péniblement. Oui, Wan. Viviane, arrêtez de vous moquer. Oui. Vi. Oh vi. Le petit duc la regardait faire, fasciné. Pour produire ce son extraordinaire, elle appuyait le bord inférieur de la bouche sur la rangée supérieure des dents. Il tenta de l'imiter. V. C'est ça? Viviane n'en revenait pas. Ce pauvre garçon avait des problèmes de prononciation. Oui, c'est ça. C'est le bruit que font les abeilles en été. Non, elles font zzz. Demandez à Monsieur Grog. Elles font Elles font Ils étaient nez à nez, furieux, bourdonnant chacun à sa manière, et prêts à se mettre des claques. Soudain, le petit duc s'avisa que la demoiselle avait les plus jolis yeux du monde, et il l'embrassa. Comme ça. Viviane se redressa d'un bond en s'essuyant la bouche. Je vais le dire à papa. Naturellement, elle ne dit rien du tout. D'abord parce que ces histoires-là ne regardent pas les papas. Ensuite, parce qu'il lui avait interdit de parler aux inconnus. Quant au petit duc, il garda son secret d'amour bien au chaud dans son cœur. Et ce soir-là, serrant Ava contre lui, il s'entraîna à répéter tout bas « V » jusqu'à ce que le sommeil vint le chercher. Les jours suivants, Viviane et le petit duc se retrouvèrent sous les feuilles du saule et jouèrent avec Ava au papa et à la maman. Monsieur Grog était enchanté. Son élève ne s'était jamais mieux porté, comme il l'écrivit à la grande duchesse. Monsieur le duc est resplendissant. Ce fut au cours d'une promenade avec Ian que son précepteur eut la plus forte émotion de toute sa vie. Ils marchaient tous deux le long de la rivière quand soudain une bourrasque secoua les peupliers. Ça fait un joli bruit le vent dans les feuilles. Monsieur Grog espéra avoir mal entendu. Pardon ? Quel mot ? Peux-tu répéter le mot que tu as employé ? Feuille ? Puis, satisfait de l'air paniqué de son précepteur, il ajouta : Les feuilles ? Qui virevoltent dans le vent ? J'adore ce mot de virevolter, monsieur Grog. Pas vous ? Pendant ce temps, au palais grand-ducal, le grand-duc Nikolaï et la grande duchesse Anna s'ennuyaient de bals en festin et de parades militaires en feux d'artifice. Le petit duc leur manquait cruellement, car on peut être tyran et gaga de son enfant. Ce soir-là, dans la chambre grand-ducale, le grand-duc demanda à la grande duchesse. Au fait, pourquoi... Il s'arrêta juste à temps, il allait dire « Pourquoi avons-nous envoyé ?» Depuis 9 ans qu'il avait interdit le V, Nikolaï ne s'était toujours pas habitué à sa disparition. Et il attrapait d'horribles migraines à force de chercher ses mots. « Pourquoi a-t-on expédié Ian à la campagne ?»« Pour sa santé, mon ami. D'après Monsieur Grog, il se porte beaucoup mieux. »« Dans ce cas... » Si nous allions le... » Le grand-duc pensa. Le voir ? Non. Lui rendre visite ? Non. Le retrouver ? Le contempler. Car on peut être tyran et pas très fort en synonyme. Quelle bonne idée. Allons. Allons contempler notre fils. Le pauvre monsieur Grog, qui venait de faire la découverte que l'on sait, ne se doutait pas de la nouvelle catastrophe qui l'attendait. Un jour où il était en train de se demander si le grand-duc lui couperait la tête ou seulement la langue, il entendit un bruit de roulement de voiture. Qui pouvait arriver en grand équipage ? Un froid mortel le saisit tandis qu'il s'approchait d'une fenêtre. Et là, il vit un valet de pied qui ouvrait la porte d'un carrosse pour laisser passage au grand-duc et à la grande-duchesse. Tout tremblant, Monsieur Grog se précipita dans le jardin. Son élève, qui savait à présent que son papa interdisait les mots en V, pourrait-il tenir sa langue ? Où est mon fils ? Monsieur Grog, Il faillit dire « Je veux voir Ian » et dut se contenter de « Je souhaite contempler mon fils ». Ce qui était bien éloigné de l'impatience qu'il ressentait. On entendit une voix sous le saule. J'arrive ! Le petit duc jaillit des branchages et courut vers ses parents en s'écriant gaiement. J'avais tellement envie de vous revoir. La grande duchesse n'eut même pas la force de lui ouvrir les bras. De mémoire d'agent spécial, c'était la scène la plus effroyable qu'on ait jamais vue. Le grand duc en chancela de stupeur. Puis, fou de rage, il se tourna vers Monsieur Grog. Qui a appris à parler à mon fils de cette façon. C'est la petite muette. Je vais la chercher. Le petit duc fila vers le saule et en ressortit avec Viviane. Tous deux vinrent se planter devant le grand-duc, elle toute brune, lui tout blond. Et c'était bien le couple miniature le plus charmant de la création. En vrai, je ne suis pas muette. Oh ! Pauvre petite, pauvres enfants. Le grand-duc sursauta. Voilà que sa propre femme le trahissait. Mais bientôt, de bouche en bouche, parmi les domestiques, les gardes et les agents spéciaux, les mêmes mots volèrent. Pauvres enfants. Alors le grand-duc se racla la gorge et dit d'une voix de tonnerre. J'ordonne que l'on supprime sur le champ. Monsieur Grog tomba à genoux, réclamant la mort pour lui si l'on épargnait les enfants. Le grand-duc haussa les épaules et conclut. Qu'on supprime le ministère de la répression du V. Il y eut un instant de silence incrédule. Puis des acclamations éclatèrent. Vive le Radius ! Vive le Radius ! Vive le Radius ! Vive le Radius ! La nouvelle se répandit dans tout le pays comme une traînée de poudre. Ceux qui avaient caché des livres non corrigés les ressortirent des caves et des greniers. Les grands-parents entreprirent d'apprendre aux enfants de longues listes de mots en V. Quant à Vladimir, il composa cette chanson qui fit danser même le grand-duc. « Mon papa ne veut pas que je dise, mon papa ne veut pas que je dise ces mots-là. Évelan, Évelan, Évelan, vie vivant, vie vivant. » Évelan, Évelan, Évelan, vie vivant, vie vivant. Les années passèrent. Viviane épousa Yvan et lui donna deux enfants, Victor et Victoire. Dès que le petit duc devint grand-duc, il ordonna la création d'un ministère des arts et des lettres. De toutes les lettres, évidemment. C'était 22 de Marie-Aude Muraille. Avec le narrateur Sylvain Clément, le grand-duc Jean-Marie Gallet, la grande duchesse Luce Bekistan, Monsieur Grog Daniel Isopo, Yvan Martin Amic, Viviane Amandine Dewam, bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Marie-Thérèse Ferrand, Guillaume Ledu, assistante Virginie Mourté, réalisation Michel Sidoroff.